إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on continue donc la lecture et l'explication de Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, du Cheikh, l'imam, Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous en sommes aujourd'hui au cinquième chapitre que l'auteur rahimahullah ta'ala a intitulé « L'appel à l'attestation que la ilaha illallah ». Que nul n'est en droit d'être adoré, sauf Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc après nous avoir expliqué ce qu'est le tawhid, et nous avoir exposé le danger de son contraire qui est le shirk, le polythéisme, afin de nous encourager à nous en écarter, à travers ce chapitre, c'est comme si l'auteur nous disait, ce bien qui est le tawhid, dont tu viens de prendre connaissance, et d'apprendre l'importance et les mérites auxquels tu dois t'attacher, afin de le concrétiser, tu ne dois pas le restreindre à ta propre personne. Mais il te convient aussi d'inviter les gens à ce bien immense, d'inviter les gens au tawhid, car c'est sur cela que repose le bonheur de la personne, ici-bas et dans l'au-delà. Il a donc mentionné un verset du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et deux hadiths de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, afin de nous démontrer qu'il convient aux musulmans d'appeler les gens à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et à délaisser le polythéisme. Et également, à travers ces textes, il nous a démontré la voie qu'il convient d'emprunter et la manière de procéder dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il nous a mentionné ce qui nous prouve le mérite immense d'être la cause de la guidée d'une personne. Il a donc commencé par le verset 108 de Sourate Yusuf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ » Dis, ceci est ma voix. J'appelle à Allah avec clairvoyance. Moi, ainsi que ceux qui me suivent, pureté à Allah, et je ne suis point du nombre des polythéistes. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui ordonne de dire « Ceci, c'est-à-dire mon appel, ce à quoi je vous invite, c'est-à-dire le tawhid, le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, de lui vouer à lui seul l'ensemble de nos adorations, en dehors de tout autre dieu et en dehors de toute autre idole. Ceci est ma voie, ceci est mon chemin, ceci est mon prêche, ceci est ma religion. » J'appelle à Allah, c'est-à-dire à lui seul, sans associé. J'appelle à la religion d'Allah. J'appelle à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Telle est la voix du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Invitez les gens, invitez les créatures à cette noble religion qui consiste à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant l'ensemble de nos adorations et à délaisser le fait de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, quel qu'il soit, que ce soit des prophètes, des anges, des hommes vertueux ou autres, parmi les choses qui sont prises comme associés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit donc « J'appelle à Allah ». Et ceci nous indique quoi? Ceci nous indique l'importance pour celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala d'être sincère. C'est-à-dire que son objectif, lorsqu'il appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il prêche, cela ne doit pas être que les gens le suivent lui personnellement. Cela ne doit pas être d'avoir des suiveurs. Cela ne doit pas être non plus un bien vil parmi les bien vils de ce bas monde, comme de l'argent, la notoriété ou les compliments des gens. Mais l'objectif de celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, cela ne doit être qu'obtenir l'agrément et la satisfaction de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Car le prêche, c'est une adoration. Donc comme pour toute autre adoration, il convient pour celui-ci de respecter les conditions d'acceptation des œuvres, qui, comme vous le savez, sont la sincérité et la conformité. que cette œuvre soit accomplie sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et que l'on se conforme dans celle-ci à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit donc, j'appelle à Allah. Et comment se fait cet appel à Allah? Avec clairvoyance. C'est-à-dire que j'ai la certitude et j'ai la connaissance de ce à quoi j'appelle. Il est donc indispensable, avant de prêcher, avant d'inviter les gens à une chose parmi les questions religieuses, d'apprendre cette chose. L'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, il doit impérativement être fait avec clairvoyance. Celui qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala, il doit connaître et avoir appris ce à quoi il appelle les gens. Quant à celui qui est ignorant, alors lui, ce qui lui incombe, avant de prêcher, c'est d'apprendre pour lui-même. Comme on l'a vu, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi les cours avec nous, lors de l'introduction des trois fondements, le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné quatre choses obligatoires pour nous. Il a commencé par la science, puis la mise en pratique, puis en troisième position, l'appel à cette science et à cette mise en pratique. Donc celui qui n'a pas la science, ce qui lui incombe, c'est d'apprendre. Et il ne doit pas s'empresser de vouloir se lancer dans le prêche alors qu'il n'a pas les aptitudes pour cela. Et ceci est un point important car, malheureusement aujourd'hui, avec le développement des réseaux sociaux, la facilité pour tout individu lambda de prendre la parole et de s'exprimer devant le grand public, nombre de personnes ont pensé qu'il était possible pour elles de se lancer dans la prédication, sans même être passé au préalable par la première étape qui est l'apprentissage de la science. Le musulman, il doit donc prendre garde à cela. Prendre garde à ne pas se précipiter et se lancer dans le prêche alors qu'il n'en a pas les aptitudes. Et également, prendre garde à ces personnes qui parlent sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science, qui prêchent alors qu'ils n'ont pas les aptitudes pour cela. Car ceci peut te conduire à de nombreuses erreurs, voire pire encore, aux innovations et à l'égarement. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Il dit donc, j'appelle à Allah avec clairvoyance. Moi et ceux qui me suivent. C'est-à-dire, ceux qui ont cru en moi, qui suivent ma religion, qui suivent ma sunnah. Eux aussi, ils appellent à Allah avec clairvoyance. On voit donc à travers cela qu'il fait partie des caractéristiques des suiveurs du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils appellent à Allah, qu'ils appellent au tawhid, qu'ils appellent les gens à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et à délaisser toute forme de polythéisme. Et qu'ils appellent Allah subhanahu wa ta'ala comment? Comme on a dit, avec clairvoyance, avec science. Ils appellent à une chose qu'ils ont au préalable apprise. Telle est la caractéristique des suiveurs du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui nous est exposé dans ce verset. Ensuite il dit, pureté à Allah, c'est-à-dire pureté à lui, quant au fait d'avoir un associé dans sa royauté ou dans son droit d'être adoré. De la même manière qu'il est le seul à créer, à posséder, à administrer tout dans cet univers, il est également le seul en droit d'être adoré. Pureté à Allah, et je ne suis point du nombre des polythéistes. C'est-à-dire qu'il se désavoue du polythéisme ainsi que de ses adeptes. Et comme on l'a vu, ceci est une des caractéristiques de celui qui concrétise le tawhid. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit son prophète Ibrahim alayhi salam, et c'est également cela qu'il a ordonné à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman, il ne lui suffit pas de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il doit impérativement se désavouer du polythéisme ainsi que de ses adeptes. Donc ce verset, comme on a dit, il nous prouve que les suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils appellent à Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance. Quant à ceux qui ne sont pas ainsi, qui n'empruntent pas ce chemin, alors ils ne suivent pas réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit. Car si tu médites sur la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que de ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, tu verras qu'ils ne cessaient d'appeler à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne cessaient d'appeler les gens à vouer un culte exclusif à Allah dans l'adoration. Ils ne cessaient d'appeler les gens à délaisser le polythéisme, à délaisser le fait de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les versets démontrant cela, ils sont nombreux dans le livre d'Allah. Parmi eux, il y a le verset 36 de Surat al-Ra'd, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Qul, إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. Dis, c'est-à-dire ô messager d'Allah, dis, il m'a seulement été ordonné d'adorer Allah et de ne rien lui associer. C'est à lui que j'appelle. Il appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est vers lui que se fera mon retour. Et dans le verset 33 de Surat Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ » Et qui profère de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, qui appelle à la religion d'Allah, qui appelle à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, fait bonne œuvre et dit « Je suis du nombre des musulmans ». C'est-à-dire, je suis du nombre de ceux qui se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif et en délaissant toute forme de polythéisme. On voit donc à travers cela que l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, le prêche, il fait partie des caractéristiques des suiveurs de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est visé est principalement l'appel au tawhid, l'appel à vouer un culte exclusif à Allah, l'appel à se désavouer du polythéisme ainsi que de ses adeptes. Et bien sûr, ce prêche, comme on a dit, il a des conditions. Et parmi les plus importantes, le fait que le prédicateur ait la science et la connaissance de ce à quoi il appelle les gens. Donc une fois que tu as appris le tawhid, que tu as appris ses mérites, il te convient de partager cela avec les gens qui t'entourent, les gens de ton entourage, en commençant par ta famille, tes amis, et ainsi de suite. Il ne faut pas que tu limites ce bien à ta propre personne, mais il faut que ce bien il se propage, qu'il se diffuse parmi les gens. Une fois que tu as connu les grands mérites du tawhid, que c'est le seul moyen permettant à la personne d'être sûre d'entrer au paradis, et que de laisser le polythéisme est une condition pour être préservé du feu, tu dois partager cela autour de toi. Tu ne dois pas laisser les gens qui t'entourent dans l'égarement, la mécréance et le polythéisme, mais il te convient de partager cette vérité avec eux, afin qu'ils la suivent et puissent profiter de ses mérites. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a mentionné un premier hadith et il dit, d'après Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a envoyé Mu'adh au Yémen, il lui a dit, donc le Yémen, c'est la région du sud de la péninsule arabique. Et Mu'adh, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a envoyé dans cette région en tant que prédicateur, afin d'appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a donc adressé cette recommandation immense que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnée ici, avant qu'il parte et se rende au Yémen. Il lui a dit, tu te rends auprès d'un peuple des gens du livre, qui sont visés par les gens du livre, ce sont les juifs et les chrétiens, qui étaient à cette époque plus nombreux que les polythéistes arabes au Yémen. Il lui dit donc, tu te rends vers un peuple des gens du livre. Et ceci nous démontre l'importance pour le prédicateur de connaître la situation des gens qu'il appelle à Allah. Car on ne prêche pas de la même manière toutes les personnes. On ne prêche pas de la même manière le musulman qui est dans le péché que un juif, un chrétien ou un athée. Et ainsi de suite. Il est donc important pour le prédicateur de connaître la situation des gens qu'il souhaite prêcher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'informe donc de cela et lui dit « Tu te rends auprès d'un peuple ?» Des gens du livre. Que la première chose à laquelle tu les appelles soit l'attestation que la ilaha illallah, que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah, le premier pilier de l'islam. Et dans une autre version, que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils vouent un culte exclusif à Allah, an yuwahhidullah. Donc ceci nous montre de manière très claire que la première obligation pour le serviteur, c'est le tawhid. Le fait de reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul en droit d'être adoré. Car ceci est la base fondamentale de la religion. C'est le fondement de l'islam. Sans cela, la personne n'a pas de religion. Si la personne ne reconnaît pas que seul Allah est en droit d'être adoré et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est faux, alors il n'a pas de religion. Ceci est la base sur laquelle va reposer la validité du reste de ses œuvres. Sans celle-ci, il ne sert à rien d'aller plus loin. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit la première chose à laquelle tu les appelles soit l'attestation que la ilaha illallah. C'est cela la première chose à laquelle tu dois appeler les gens lorsque tu les appelles à l'islam. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens commencent par des choses non essentielles, qui ne font pas partie des bases fondamentales de la religion, et qui ne profitent en rien à la personne tant qu'elle ne reconnaît pas l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. À titre d'exemple, nombre de non-musulmans, lorsqu'ils commencent à s'intéresser à cette religion, et qu'ils sont amenés à fréquenter des personnes qui sont musulmanes, parmi les premières choses qu'on va leur dire, il y a le fait d'arrêter de manger de la viande de porc. Comme si cela était le fondement le plus important de notre religion. Il n'y a pas de doute, ceci fait partie des obligations, des choses qui ne sont pas à négliger, mais ce n'est pas cela la priorité. Si la personne délaisse la consommation de viande de porc, mais qu'il donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, en quoi cela lui sera-t-il profitable? Également, on va voir des personnes qui vont appeler à jeûner le mois de Ramadan, qui est un des piliers de l'islam. C'est le quatrième pilier de l'islam. Ce n'est pas une chose sans importance. Malgré cela, si la personne jeûne le mois de Ramadan, mais qu'elle donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle ne reconnaît pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul endroit d'être adoré, son jeûne ne lui sera d'aucune utilité. Il est donc important de respecter les étapes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ici donné à Mu'adh, radiyallahu ta'ala anhu, dans le prêche. Que la première chose à laquelle tu les appelles soit l'attestation que la ilaha illallah. Nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah. Tu rejettes l'adoration de tout autre qu'Allah et tu reconnais que seul Allah subhanahu wa ta'ala est en droit d'être adoré. C'est par cela qu'il faut commencer à appeler les gens. Comme l'ont fait les prophètes et les messagers, alayhimus salatu wassalam. On l'a déjà vu lors du premier chapitre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé dans chaque communauté un messager pour appeler à cela. Il dit subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Nous n'avons pas envoyé avant toi un messager sans lui révéler, il n'y a de Dieu en droit d'être adoré que moi, adorez-moi donc. Et tous les prophètes, alayhimus salatu wassalam, ont commencé leur prêche par cela. Et c'est cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne à Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu dans ce hadith. Que la première chose à laquelle tu les appelles soit l'attestation que la ilaha illallah. S'ils t'obéissent dans cela, c'est-à-dire s'ils acceptent de vouer un culte exclusif à Allah, informe-les alors qu'Allah a prescrit pour eux 5 prières de jour et de nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc ordonné à Mu'adh de ne les informer de l'obligation de la prière que s'ils lui obéissent dans quoi? Que s'ils lui obéissent dans le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'ils acceptent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul endroit d'être adoré et que l'adoration d'autre qu'Allah est vaine et rejetée. S'ils t'obéissent en cela, informe-les qu'Allah a prescrit pour eux 5 prières. Ceci est une preuve très claire qu'il n'est pas demandé aux polythéistes, aux mécréants, d'accomplir la prière. Sauf s'il entre en islam et qu'il délaisse le polythéisme. Car l'islam, le fait de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, de prononcer les deux attestations de foi, c'est une condition de validité de l'adoration. Celui qui ne prononce pas les deux attestations de foi, ne croit pas en cela, ne croit pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul endroit d'être adoré, et que Muhammad est son prophète et son messager. Même s'il prie, donne la zakat, jeûne le mois de Ramadan, fait le pèlerinage, cela ne lui est d'aucune utilité. Donc on ne lui ordonne de faire la prière, et on ne l'informe de l'obligation de la prière qu'une fois qu'il reconnaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul en droit d'être adoré. Tant qu'il n'est pas entré dans l'islam par la prononciation des deux attestations de foi, on ne lui demande pas de faire cela. Une fois qu'il est entré en islam, qu'il a reconnu cela, alors on lui informe de l'obligation des 5 prières. Ensuite, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, s'ils t'obéissent en cela, c'est-à-dire s'ils accomplissent les 5 prières, alors informe-les qu'Allah a prescrit pour eux une aumône qui est prélevée de leurs riches pour être redistribuer à leurs pauvres. Les gens de science ont dit, ceci nous prouve que la zakat, elle n'est profitable, c'est-à-dire le fait de donner la zakat, cela n'est profitable que pour celui qui voue un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et qui accomplit ses 5 prières en respectant leurs conditions, leurs piliers et leurs obligations. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de ne les informer de l'obligation de la zakat qu'une fois qu'ils lui ont obéi dans l'accomplissement des 5 prières. Et la zakat est donc le troisième pilier de l'islam. C'est le pilier le plus important et le plus noble après la prière. La priorité donc dans le prêche est d'appeler les gens à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, de les informer de l'obligation des cinq prières et de leur enseigner leurs règles, leurs conditions, leurs piliers, leurs obligations, ainsi de suite. Et vient après cela l'obligation de la zakat. Et ces trois adorations, elles ont été réunies dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 5 de Sourate Al-Bayyinah, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Et il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat. Telle est la religion de droiture. Voici la religion de droiture. Vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, accomplir sa prière et s'acquitter de la zakat. Et il n'y a pas de doute que celui qui accomplit ces choses, qui sont les trois premiers piliers de l'islam et les plus importants, alors il accomplira, inshallah ta'ala, le reste de ses obligations religieuses. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Mu'adh: s'ils t'obéissent en cela, alors prends garde à ne pas prendre leurs biens les plus précieux, c'est-à-dire lors du prélèvement de la zakat. Prends garde à ne pas prendre leurs biens les plus précieux, c'est-à-dire à ne pas dépasser ce qu'Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ont légiféré au sujet de la zakat. Ensuite, après l'avoir averti contre le fait de prendre leurs biens les plus précieux, il lui dit: et prends garde à l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah. C'est-à-dire, ne sois pas injuste envers eux. Ne prends pas leurs biens les plus précieux lors du prélèvement de la zakat, car sache que si tu es injuste envers eux, que tu les opprimes, l'invocation de l'opprimé est acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne l'empêche d'être accepté. Donc, ceci est une mise en garde sévère contre l'injustice de manière générale. Le musulman, il se doit de faire preuve de justice et d'équité en toutes choses, et sans cesse se rappeler que l'injustice est une source de ténèbres au jour de la résurrection. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont interdit l'injustice. Ils ont ordonné la justice et l'équité. Et si tu es injuste, tu dois savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte l'invocation de l'opprimé. Tu dois donc prendre garde au fait que ces personnes envers qui tu es injuste, que ce soit physiquement, moralement, avec des paroles sur leurs biens ou autres, tu dois prendre garde qu'ils ne lèvent pas leurs mains pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala contre toi. Car il n'y a pas de voile entre leur invocation et Allah subhanahu wa ta'ala. On voit donc à travers ce hadith les différentes étapes qu'il convient d'emprunter dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit qu'il est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Puis il dit, et ils ont aussi rapporté, c'est-à-dire al-Bukhari et Muslim, d'après Sahl ibn Sa'ad, radiyallahu ta'ala anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit le jour de Khaybar: demain, je donnerai l'étendard à un homme qui aime Allah et son messager, et qu'Allah et son messager aiment, et à qui Allah donnera la victoire. Donc le jour de la bataille de Khaybar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, que l'étendard serait remis à un homme qui aime Allah et son messager, et qu'Allah et son messager aiment, et à qui Allah allait donner la victoire. Les gens de science ont dit que cela est un signe de la prophétie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car ceci s'est produit tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a informé. Il a remis l'étendard, comme on va le voir, à Ali, radiyallahu ta'ala anhu, et Ali a obtenu la victoire. Et il y a également dans cette phrase de ce hadith la confirmation que l'amour fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. Il aime ses serviteurs vertueux. Il aime les prophètes et les messagers, alayhimus salatu wassalam. Il aime ceux qui suivent sa religion en lui vouant un culte exclusif dans l'adoration et en délaissant toute forme de polythéisme. Ensuite, il dit: les gens passèrent alors la nuit à discuter afin de savoir à qui parmi eux il sera donné, c'est-à-dire à qui parmi eux sera donné l'étendard. Dès le matin venu, Ils se rendirent auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, espérant tous se le voir donner. En effet, ils espéraient se voir remettre l'étendard, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé que celui qui se verrait remettre l'étendard aurait la victoire, mais surtout qu'Allah et son messager l'aiment. C'est donc pour cela qu'ils désiraient tant recevoir l'étendard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: Où est Ali ibn Abi Talib? Et ceci nous montre le mérite de Ali radiyallahu ta'ala anhu, le quatrième des califes bien guidés, car c'est lui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi pour lui remettre l'étendard et pour appeler les gens de Khaybar à l'islam. On lui dit alors qu'il souffrait de ses yeux. En effet, Ali radiyallahu ta'ala anhu souffrait d'une conjonctivite ce jour-là. Et ceci nous montre l'importance de la croyance et la foi au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, regardez ce hadith. Les compagnons radiyallahu ta'ala anhu, à l'annonce de cette nouvelle, ils ont passé la nuit à discuter, cherchant à savoir qui se verrait remettre l'étendard. Et ils se rendirent auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, espérant tous se le voir donner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a remis à qui? À une personne qui ne s'attendait même pas se le voir remettre, en raison de sa maladie et de ce dont il souffrait. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoya quelqu'un pour le chercher. On envoya donc quelqu'un pour le chercher, c'est-à-dire à la demande du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam cracha légèrement dans ses yeux et invoqua en sa faveur. C'est alors qu'il fut totalement guéri comme s'il n'avait eu aucune douleur. Subhanallah. Ceci également est un des signes de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il invoqua en la faveur de Ali et Ali radiyallahu ta'ala anhu fut immédiatement guéri, comme s'il n'avait rien eu. Et ce car Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé l'invocation de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que tout ceci provient d'Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam remit l'étendard à Ali et lui dit: Avance prudemment jusqu'à atteindre leur terre, c'est-à-dire jusqu'à te rapprocher de l'endroit où ils se trouvent, puis appelle-les à l'islam. Et c'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ce hadith ici. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoie Ali radiyallahu ta'ala anhu pour cette bataille, afin de combattre. Mais qu'est-ce qu'il lui ordonne avant cela? De les appeler à l'islam. Car l'objectif des musulmans, c'est que les gens soient guidés à cette noble religion, qu'ils acceptent l'islam, qu'ils vouent un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils se préservent et s'écartent du polythéisme, afin de trouver le bonheur, ici-bas et dans l'au-delà, bi'idhnillahi ta'ala. Donc il est en guerre, mais la chose par laquelle il commence, c'est quoi? C'est appeler les gens à l'islam. On voit donc à travers cela que ceux qui aujourd'hui prétendent au djihad, ces criminels sanguinaires et ignorants qui ne cessent de commettre des meurtres et de tuer des personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de tuer, cela il s'oppose au principe de la religion de l'islam. Et l'islam est innocent de leurs agissements. Ce qu'ils font s'oppose totalement à la religion de l'islam et ne peut en aucun cas être attribué à l'islam et aux musulmans. Mais cela relève de leur incompréhension et de leurs égarements et de leur compréhension erronée de la réalité de la religion de l'islam. Il lui dit donc, appelle-les à l'islam et informe-les de ce qui leur incombe vis-à-vis du droit d'Allah, ou comme devoir envers Allah. Et le droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que c'est? On a vu dans le premier chapitre, dans le hadith de Mu'adh, radiyallahu ta'ala anhu, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a questionné au sujet du droit d'Allah sur ses serviteurs. Il lui a dit, le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore et qu'il ne lui donne aucun associé. Donc, appelle-les à l'islam, informe-les du droit d'Allah, c'est-à-dire informe-les qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul en droit d'être adoré et que nul autre que lui n'est en droit d'être adoré, que l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala doit être rejetée. Puis, informe-les de ce que cela implique en termes d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, de se soumettre à ses ordres, de délaisser ses interdits, et ce selon l'ordre mentionné dans le hadith précédent. Ensuite, il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, par Allah, si Allah guide par ta cause un seul homme, c'est meilleur pour toi que des chamourous. Les chamourous, à cette époque, étaient les biens les plus précieux que possédaient les Arabes. Il informe donc que le fait qu'une seule personne soit guidée à l'islam par sa cause Cela est meilleur pour lui que de posséder les biens les plus précieux de ce bas monde. Ceci est donc un encouragement à appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, à rechercher à ce que les gens soient guidés à cette noble religion, afin que celui qui est la cause de la guidée des personnes obtienne ce mérite immense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, il y a une grande récompense dans le fait d'être la cause qu'une personne entre dans la religion de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, celui qui indique un bien, il obtient la récompense de celui qui le fait. Imagine-toi, tu es la cause pour qu'une personne entre dans la religion de l'islam. Tout ce qu'il va faire comme bien après cela, c'est toi qui en es la cause. Chaque prière qu'il va faire, tu en auras la récompense. Chaque invocation qu'il va faire, tu en auras aussi la récompense. À chaque fois qu'il va lire le Coran, faire une aumône et ainsi de suite, tout ce qu'il fera, cela sera par ta cause, tu en auras donc la récompense. C'est donc un mérite immense, qui vaut bien plus que tous les biens de ce bas monde. Il n'y a pas de doute en cela. Même si tu es la cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide une seule personne, ceci est un bien immense pour le serviteur. On a donc vu dans ce chapitre, à travers le verset, que l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala, il désigne le fait d'appeler au tawhid, d'appeler les gens à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que cet appel, il doit se faire avec science, avec clairvoyance, que la personne, elle ne doit pas prêcher avec ignorance. Et que ceci fait partie des caractéristiques des suiveurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a ensuite vu dans le hadith les étapes à emprunter dans l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la priorité est d'appeler les gens à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Car s'ils ne font pas cela, qu'ils n'attestent pas que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah subhanahu wa ta'ala, alors aucune œuvre ne leur serait utile. Il est donc impératif de commencer par cela, d'appeler les gens à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est impératif de commencer par cela. Puis on a vu dans le deuxième hadith l'importance de cet appel, l'importance de l'appel à l'islam et le mérite qu'il y a en cela, car cela est bien meilleur que les biens les plus précieux de ce bas monde. Et ceci encourage le croyant à faire des efforts pour apprendre sa religion, la mettre en pratique, puis ensuite appeler les gens à sortir de l'obscurité de la mécréance et du polythéisme vers la lumière de la foi et du monothéisme en vouant leur culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. On a donc terminé pour aujourd'hui et on verra dans le cours de demain, inshallah ta'ala, le sixième chapitre dans lequel l'auteur rahimahullah ta'ala nous a mentionné différents textes nous expliquant le sens du tawhid et de l'attestation que la ilaha illallah, que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouter. Je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum.